violon. Sur lequel ton arche joue et qui vibre tout du long, appuyé contre ta joue, tantôt l'air est vif et gai, comme un refrain de folie, tantôt le son fatigué traîne avec mélancolie. Dans la nuit qui s'achève, mon cœur est plein de toi. La musique est un rêve qui vibre sous tes doigts. Sous tes doigts la caresse rend mon désir si fort qu'il va jusqu'à l'ivresse et meurt à la fin de l'accord. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. L'air est vif et gai, comme un refrain de folie. Tantôt le son fatigué traîne avec mélancolie et vibrant.